Chapitre 16e. Le pansement était fait et le chirurgien déclarait la blessure légère. Avec du repos, des soins éclairés, M. Rodet serait hors d'affaire en 15 jours. « Il pourra faire lui-même ses visites de jour de l'an, » dit le praticien, pour assurer cette jeune femme si pâle, si grave, en apparence si tranquille. « Mais vous devriez vous soigner, madame. Vous avez reçu une commotion qui me paraît vous avoir fort ébranlée. Si j'ose émettre un avis, je vous prierai d'envoyer chercher votre médecin ordinaire. Il saura mieux que moi. » « Je suis très bien, je vous remercie, » répondit Madame Rodet sans effort. Elle avait en effet l'air très tranquille et intérieurement ne se sentait pas troublée. Sa seule souffrance était un désir irrésistible d'être seule pour réfléchir, pour comprendre. Elle eut envie de demander au docteur pourquoi Georges n'était pas là, puis elle se rappela qu'il lui avait recommandé de ne pas parler de sa visite et elle se contenta de reconduire le chirurgien qui promit de revenir dans la soirée. Elle alla voir sa fille qui, soigneusement tenue à l'écart, n'avait rien remarqué d'insolite et qui jouait paisiblement. Elle donna machinalement un coup d'œil à l'appartement, s'aperçut qu'elle n'avait rien mangé depuis la veille et haussa les épaules en pensant combien peu la nourriture lui manquait. Puis elle s'assura que le feu brûlait dans la cheminée du salon et rentra dans la chambre de son mari dont la porte était ouverte afin de laisser circuler l'air en abondance. La tête de Max endormie reposait sur l'oreiller avec un bandage qui cachait presque entièrement ses yeux. Sa barbe châtaine faisait paraître plus blanche ses lèvres décolorées. Ses mains reposaient inertes sur la couverture. Il avait l'air d'être mort. Lucie le regarda un instant avec la commisération naturelle envers ceux qui souffrent. Si ce fût arrivé 2 ans plus tôt, l'année précédente encore, avant le voyage de Rouen, quelle angoisse pour son cœur déchiré. Maintenant, elle ne craignait plus que pour la vie du père de famille. Son amour éteint ne lui laissait pas de pitié pour l'homme qui s'était battu à cause d'une autre femme. Quelle femme ? Georges le savait et n'avait pas voulu le lui dire. Elle le saurait pourtant, car après un tel esclandre, ce ne pourrait rester longtemps secret. Elle se mit à ranger les potions sur la cheminée, les séparant en remèdes inoffensifs et remèdes dangereux. 2 ou 3 fioles redoutables se trouvaient là. Elle les mit en lieu sûr pour éviter les imprudences et s'assit dans un fauteuil, assez loin du lit de Max. Comme elle avait pleuré l'année précédente, comme elle avait eu peur de perdre ce mari tant aimé, et maintenant, quel vide dans son cœur! Quelle irrémédiable amertume! Pourvu que Max n'ait pas l'idée de se remettre à l'aimer, par reconnaissance pour ses soins, il en était très capable. Elle se promit, dès que le danger serait entièrement conjuré, d'avoir une garde pour la remplacer, afin d'éviter ce nouveau caprice. Pendant qu'elle méditait, le jour baissait. Elle alluma une lampe sur la cheminée. En retournant à sa place, dans l'ombre, elle crut entendre un coup de sonnette très faible suivi d'un murmure de voix étouffée dans l'antichambre. Pour éviter tout bruit, elle ouvrit la porte du salon et demanda à demi-voix « Qu'y a-t-il ? » Une femme vêtue de couleur sombre, enveloppée d'un voile épais, passa devant elle et entra dans le salon avant que Lucie puisse s'y opposer. Elle leva son voile et, dans la demi-obscurité, la femme de Max reconnut, plus par l'intuition que par la vue, sa cousine Berthe Varin. Elle ferma la porte et attendit que celle-ci parlât. J'ai appris l'incident, dit Berthe, d'une voix qu'elle voulait rendre indifférente, et je suis venue savoir des nouvelles de mon cousin. Je ne suis pas visiteuse, mais dans les moments de peine, on me retrouve. Comment va votre mari, cousine? Est-il mieux? Lucie ne répondit pas. Après la courte et mystérieuse apparition de Georges le matin, la présence de Berthe chez elle lui paraissait inexplicable. Madame Varin répéta avec instance, mais aussi avec une irritation contenue. Va-t-il mieux? Parlez donc. « Il va mieux, » dit lentement Lucie, cherchant toujours à pénétrer le mystère qui semblait s'épaissir autour d'elle. « Est-ce dangereux ?» demanda Berthe après un soupir aussitôt étouffé, soupir de soulagement ou de condoléance. « Je n'en sais rien encore, » fit Madame Rodet, sans se départir de sa froideur glaciale. « Il est là ?» fit Berthe après un mouvement d'hésitation, en indiquant la chambre où Max dormait. « Laissez-moi le voir, je vous en prie. » Il n'a pas le délire, il ne parle pas. Elle s'avançait vers la porte, avec un geste à peine poli pour excuser sa précipitation. Lucie se plaça entre elle et la chambre du malade. « Qui vous a pris l'accident ? » dit-elle d'une voix contenue, étrangement vibrante. « Est-ce votre mari ?» Madame Varin s'arrêta, ne sachant que répondre. « Savez-vous avec qui et pour qui mon mari s'est battu en duel ?» continua Lucie, s'animant peu à peu. « Si vous le savez... » « Dites-le-moi, et vous le savez, je sais que vous le savez. » Elle s'était inconsciemment rapprochée de Berthe et lui parla avec une sorte de menace. La jeune femme recula. « Vous devez me le dire, » reprit Lucie. « J'ai le droit de le savoir. J'ai assez de tous ces mystères. Où est Georges? Pourquoi n'est-il pas venu avec vous ?»« Georges ?» murmura Berthe, ne sachant plus que dire, écrasée sous toutes ces questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Soudain, retrouvant son énergie, sentant d'ailleurs qu'elle était perdue, quoi qu'elle fît, elle passa devant Lucie en disant « Je veux voir Max. » Elle s'arrêta au seuil de la chambre, n'osant pénétrer plus loin, retenue malgré elle par la terreur de la mort possible et prochaine. Le visage du jeune homme, mat et blême sur l'oreiller, les mains de cire inertes sur le drap, lui causèrent une insurmontable faiblesse, et elle dut s'appuyer au dessus d'un fauteuil pour se soutenir, pendant que ses yeux, pleins d'une tendresse indicible, débordant de larmes brûlantes, se fixaient sur le blessé avec une compassion désespérée. Lucie la regardait, n'osant achever de deviner ce que depuis le matin une intuition secrète semblait lui souffler. Mais le geste d'angoisse avec lequel Berthe tendit involontairement ses mains jointes vers le lit l'illumina brutalement comme la lueur d'un éclair au bord d'un gouffre. « C'est vous !» s'écria-t-elle en saisissant Berthe par le bras avec une telle violence que celle-ci la suivit dans le salon sans pouvoir résister. « C'est pour vous qu'il s'est battu, c'est vous qui êtes sa maîtresse. Et c'est Georges, oh !» fit-elle en lâchant Madame Barin et en reculant le plus possible. « Oh, c'est vous, la femme de Georges et mon mari, oh !» Elle tomba dans un fauteuil, le visage caché dans ses mains, pour éviter la vue de cet excès d'opprobre et d'horreur. « Eh bien oui, c'est moi !» fit Berthe avec hauteur. « J'aime Max et il m'aime, j'en conviens. Que vous importe, il y a longtemps que votre mari ne vous aime plus. » Lucie se redressa et regarda son insolente rivale avec un mépris qui fit détourner les yeux à Madame Barin, malgré toute son arrogance. « C'est vrai, » dit-elle. « Peu importe, vous, une autre, vous et les autres, vous êtes égales à mes yeux de femme honnête. Mais la tâche que vous avez mise sur le nom de votre mari... »« Ah ! Voilà !» fit Berthe avec un rire insultant. « Il vous importerait peu que j'eusse pris votre mari, si en échange je vous avais laissé le mien. » Elle n'eut pas le temps d'achever. Lucie l'avait prise par la main et conduite dans l'antichambre avant qu'elle eût pu proférer l'outrage commencé. La porte du salon était refermée. Berthe jeta derrière elle un regard de haine et sortit sur le champ.